concentration, la mémorisation, les deux sont excessivement liés. Si maintenant, quand vous me regardez, vous êtes totalement concentré, centré sur ma voix, sur l'image en face de vous, sur toutes les impressions que cette vidéo dégage, eh bien, vous allez être parfaitement focalisé et plus vous serez focalisé, meilleure sera votre mémoire. Je vous donne un exemple. Moi, quand je regarde je sais pas, une série de télé américaine, même complètement débile, j'ai tendance à vraiment mieux la mémoriser qu'un livre pourtant très intéressant de psychologie, mais alors beaucoup moins facile. Qu'est-ce qui fait que on peut à ce point, de temps en temps, bien mémoriser, être bien concentré, bien focalisé sur ce qu'on est en train de faire, et puis à certains moments, bah, ne pas y arriver du tout? Eh bien, tout simplement, le fait que lorsqu'on est concentré, focalisé sur quelque chose, on le retient beaucoup mieux. Quand on est concentré, focalisé, on n'est pas stressé, on est calme, on ressent les choses avec une intensité, une force, un plaisir aussi, c'est très important. Tout cela permet d'avoir une concentration et une mémoire bien plus efficaces. Ne vous dites pas, je n'ai pas de mémoire, je n'ai pas de concentration, c'est faux. De temps en temps, vous bloquez votre mémoire, de temps en temps, vous bloquez votre concentration, mais j'en veux pour preuve, tous ces formidables moments, vous ne faites aucun effort et vous mémorisez très bien les choses. Malgré tout, c'est très très facile en thérapie de travailler sur la concentration et la mémorisation. Aujourd'hui, on va voir un exercice très concret. Il s'agit d'une séance d'hypnose. L'hypnose est un état merveilleux pour la concentration et la mémoire. C'est pour ça qu'il y a des cours d'anglais qu'on donne par exemple sous hypnose, des cours même de guitare, j'ai vu ça une fois. Qu'est-ce qui fait que dans une séance d'hypnose, eh bien, on va particulièrement bien se concentrer et mémoriser? C'est tout simple. Lorsque vous faites une séance d'hypnose, vous êtes totalement centré sur la voix du psychothérapeute, de l'hypnothérapeute qui vous accompagne. Tout le reste disparaît en quelque sorte. On est dans un état de calme excessivement important, ce qui fait que finalement, tout passe de la voix à l'individu qui est en face. Alors aujourd'hui, on va faire une séance d'hypnose très très simple, qui va durer à peu près une vingtaine de minutes, et qui va vous permettre de booster, de doper votre mémoire et votre concentration. Ce qui est important, c'est de le faire systématiquement avant un apprentissage. Vous voulez réviser un examen, le bac ou autre, vous voulez être plus efficace dans votre travail, dès que vous en avez besoin, vous faites la séance d'hypnose et après, juste après, vous commencez à travailler et vous allez voir votre efficacité augmenter singulièrement. Alors, si vous êtes prêt, je vais vous inviter simplement à bien vous installer sur votre chaise, à mettre vos mains sur vos jambes. Et à commencer à fixer un point, peu importe lequel, vous pouvez me regarder par exemple, ou focaliser votre attention sur le mur, sur un objet en particulier, ça n'a vraiment aucune importance. Simplement, essayez de le regarder avec un regard doux, peu importe ce que cela veut dire pour vous. Et puis, vous allez simplement écouter ma voix tranquillement, et puis, elle va vous accompagner dans cet état de transe, cet état de confort, cet état de focalisation, de mémoire remarquable qu'est l'hypnose. Et vous n'avez absolument aucun effort à fournir, juste à m'écouter. Et puis, si à certains moments, certains mots vous échappent, c'est très bien parce que lorsque votre conscient partira, votre inconscient va rester et votre inconscient lui mémorise tout, tout très facilement. Vous pourrez laisser vos paupières se fermer pour entrer en transe. Et que ce soit au chiffre 5 ou au chiffre 1, ça n'a aucune importance. Dès que vous avez envie, entrez en transe et fermez les yeux. 5. Vous entendez les bruits autour de vous, bien sûr. Ma voix, mais aussi d'autres bruits qui viennent de la vidéo ou de l'ordinateur. Et tandis que vous entendez ma voix qui va se préciser en vous pour vous guider, vous accompagner dans cet état de concentration. Eh bien, d'autres bruits vous traversent qui eux aussi vont vous accompagner et bientôt avoir de moins en moins d'importance, plus ma voix va en prendre en vous, dans votre esprit conscient et inconscient. Et puis, pour accentuer cette sensation qui commence déjà à s'installer, sentez d'ailleurs comme votre respiration est déjà devenue plus lente, et aussi sentez comme au fur et à mesure que vous entrez en vous-même dans ce territoire d'apprentissage et de concentration qu'est votre inconscient, eh bien les sensations deviennent plus précises, comme le contact de l'air contre le visage par exemple, ou le contact de l'air contre les mains. Et pour accompagner cette merveilleuse sensation de voyage, vous allez prendre une profonde inspiration. Comme cela, tout simplement. C'est très bien. Et une deuxième. Comme cela. Et pendant que vos pensées s'accrochent et se décrochent, s'accrochent et se décrochent, votre respiration, elle, va devenir plus lente, plus profonde, plus calme. Et vous pouvez sentir cet air calme et frais que vous inspirez. Sentir de quelle manière il se diffuse dans vos poumons comme des racines de calme. Et sentir comment progressivement vous entrez de plus en plus en transe à mesure que votre corps lui aussi se détend pour entrer de plus en plus profondément dans cet état de calme et de détente. 4. Et à leur rythme, les sensations continuent à s'installer. Sentez le poids de votre respiration, cette respiration qui est devenue plus lourde, plus profonde et plus calme. Le regard aussi qui a commencé à changer, peut-être les yeux déjà fermés si vous le souhaitez maintenant, les yeux fermés maintenant, ou bien dans quelques instants quand vos paupières seront devenues vraiment calme ou lourde, qu'il sera tellement plus agréable de fermer les yeux pour entrer dans cet état de calme, d'apprentissage. Et sentez d'autres sensations, sentez ce poids si particulier de vos mains sur vos jambes, ces mains qui pèsent de tout leur poids sur les jambes lourdes des mains qui pèsent de tout leur poids sur les pieds. Les pieds solidement ancrés sur le sol, comme tout à l'heure, les connaissances vont s'ancrer en vous. Les pieds donc ancrés sur le sol et le sol solidement ancré sur les fondations de cet édifice autour de vous. Cet édifice solidement ancré sur la ville. La ville solidement ancrée sur la terre et la terre solidement ancrée dans le système solaire. Le système solaire solidement ancré dans la galaxie. Et la galaxie solidement ancrée dans l'univers. L'univers solidement ancré dans le temps. Et le temps solidement ancré en vous, tandis que vous vous ancrez de plus en plus en transe. Vous vous ancrez de plus en plus en transe, comme cela. 3. Et cela me rappelle une histoire, l'histoire d'un dormeur qui rêvait d'un autre dormeur, qui rêvait d'un autre dormeur, qui rêvait du premier dormeur et tous ces dormeurs dormants, rêveurs rêvant, se demandaient qui parmi les dormeurs endormis, les rêveurs rêvant, des rêves rêvés auraient tendance à entrer plus profondément en transe. Et tous ces songes, ces rêves, ces choses que l'on apprend inconsciemment et qui restent et qui vous guident, toutes ces choses-là que l'on éprouve à force d'entrer en transe, les dormeurs dormants les ressentaient. 2. Et alors que vos pensées s'accrochent et se décrochent, alors que faire et se faisant se faire n'être rien d'autre que ce que l'on s'est fait, et surtout, alors que vous savez plus que vous ne saviez, que vous saviez. Un, les yeux fermés maintenant. Vous entrez dans une transe agréablement profonde et calme. Et alors que ma voix va se préciser de plus en plus en vous, vous allez entrer de plus en plus dans cet état de concentration qu'est l'hypnose, de plus en plus calme, de plus en plus ouvert aux apprentissages, à la mémoire. Et pendant que vos pensées s'accrochent et se décrochent, pendant que votre esprit conscient sélectionne les informations importantes, les idées, les sensations, les images, votre esprit inconscient, lui, enregistre absolument tout comme une sorte d'impression générale qui se mettrait en place dès que vous entendez, dès que vous voyez, dès que vous percevez les choses, les êtres, les situations, les comportements. Vous apprenez en permanence et vous enregistrez tout, consciemment parfois, inconsciemment toujours. Et vous entrez plus profondément en transe. Vous entrez plus calmement dans cet état de concentration. Et alors que vos pensées s'accrochent et se décrochent, se forment et se déforment pour former d'autres formes, alors que les sensations, les images, les sons vous parviennent et s'inscrivent en vous comme un texte qui s'écrit, des images qui s'impriment, alors que votre cerveau développe en permanence ses capacités, sa compréhension, le plaisir à apprendre. Vous entrez plus profondément en transe, tout autant que vous pouvez entrer encore plus en vous-même. Et chaque pensée, consciente, inconsciente, s'intègre, se retrouve, se construit à partir d'autres idées antérieures, celles-là même qui vous permettent de toujours découvrir, toujours développer votre monde intérieur qui grandit, grandit de connaissance en connaissance et devient de plus en plus harmonieux, totalement en cohérence avec le monde, les livres, tout ce que votre esprit inspire, retrouve en lui-même. Vous entrez plus profondément en transe. Et maintenant, je vais demander à votre esprit inconscient de réfléchir au doigt qui correspond le plus à la réponse oui. Et dès qu'il l'aura trouvé, ce doigt va pouvoir se lever tout simplement à son rythme. Le doigt qui correspond le plus à la réponse oui. Très bien. Et maintenant, je vais compter de 1 à 5. Et à 5, vous pourrez ouvrir les yeux, mais tout votre corps, tout votre esprit va rester en transe. 1, vous restez en transe. 2, vous continuez. 3. 4, vous pouvez ouvrir les yeux toujours en transe. 5, les yeux totalement ouverts en transe. Vous restez la voix avec vous, l'esprit concentré sur mes mots et toujours en transe. Et je vais compter de 5 à 1. À 1, vos yeux pourront se refermer et entrer dans une transe encore plus profonde que maintenant. 5, 4, 3, 2, 1, les yeux fermés encore plus en vous-même, encore plus en transe. Et je vais compter une dernière fois de 1 à 5, et comme ça, votre esprit inconscient saura être en transe tout en ayant les yeux ouverts. La transe qui est cet état de vous qui permet d'apprendre, de tout savoir et mémoriser. Le lieu où l'inconscient apprend tout facilement et clairement. 1, 2, 3, 4, 5. Les yeux ouverts, toujours en transe, focalisés sur ma voix. 5, 4, 3, 2, 1, les yeux fermés. Et maintenant, je vais demander à votre esprit inconscient de vous faire revivre un moment où vous étiez particulièrement concentré, particulièrement focalisé sur quelque chose et où l'apprentissage, la mémoire fonctionnait toute seule avec plaisir et facilité. Les images, les sons vont se préciser et dès que vous aurez retrouvé cet état intérieur de concentration et de mémorisation. Votre esprit inconscient me fera le signe oui, et je lui laisse une bonne minute pour vous permettre de retrouver cette capacité de mémoire et de concentration au travers de ce souvenir que vous allez revivre. Les images, les sons, les sensations se précisent pour préciser la mémoire et la concentration en vous. Comme cela. Et dès que cet état intérieur de concentration sera présent, votre esprit inconscient me fera le signe oui. Comme cela. Très bien. Et maintenant, vous allez simplement serrer deux doigts l'un contre l'autre. Par exemple, le pouce contre l'index. Ou deux autres doigts, peu importe. Et ce petit geste va s'ancrer, s'associer avec cet état de concentration et de mémorisation que vous avez maintenant et que vous allez garder. Et peu importe le moment où vous le referez, à chaque fois que vous referez ce geste, vous retrouverez ce calme, cette concentration et cette mémoire. Vous gardez ces deux doigts bien contre l'autre. Et maintenant, grâce à cette concentration que donne la transe, grâce à cet ancrage, ce geste. Je vais compter de 1 à 5. Et à 5, vous ouvrirez les yeux toujours en transe et vous pourrez commencer à lire, totalement concentré sur ce que vous faites. Et la mémorisation se fera toute seule, claire et facile. Toujours dans cet état de concentration. 1, 2, la mémoire facile, les choses s'inscrivent en vous. 3, 4, 5, vous ouvrez les yeux et vous pouvez à votre rythme commencer à apprendre simplement en voyant, en lisant les choses. s'inscrire toute seule en vous, et si la transe au fur et à mesure va diminuer, la concentration va rester. Et si maintenant je me tais, c'est pour laisser la place à ce que vous allez apprendre avec facilité.